Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Hein, comment? Dis-moi, Doudou, Doudou est là qui vous répond. Oh, alors on peut appeler Doudou. Vous pouvez l'appeler au 418-640-2575-640-CKRL. Doudou est là pour vous répondre. Doudou, oui, on a des questions à vous poser, alors téléphonez-moi. Ah, mais même si on téléphone, ça répond pas. C'est vrai, c'est pas du direct. Comment ça? Nous sommes presque en direct. OK, c'est pas comme, c'est presque. Oui, monsieur, alors vous ne l'êtes pas. Nous sommes presque. Oh! Êtes-vous presque vivant? Monsieur, attendez, êtes-vous presque vivant? C'est un appel? Non, c'est pas un appel. Ben, en fait, c'est c'est un appel d'en haut. Oh, mon Dieu! Réponds pas, ça vient d'en haut. C'est dans ta tête. Tout ce qui vient d'en haut, c'est dans ta tête. Tout ce qui vient d'en bas, c'est la vérité. Là, en bas, les intraterrestres. Voyons donc, les intraterrestres. Ils nous veulent du mal. Ils veulent nous tuer. Parce qu'il y a plus de monde en dessous de la terre qu'au-dessus. Puis là, en dessous, là, ils ont toutes des mains, puis ils veulent nous ramener en dessous, là, hein. Ils veulent nous tuer. Et ça me fait penser à Carrie. Carrie, c'est fini. Il dit que tu voulais m'amener vers le dessous. Carrie, c'est fini. Je ne crois plus maintenant dans l'amour. Carrie, c'est fini. En parlant de Carrie. J'ai rencontré Cindy. Adieu, ma belle Cindy. Non, Cindy. Je vais vous raconter un peu l'histoire, brièvement, rapidement, parce que je veux pas vous étaler ma vie, là. Puis même si ça vous intéresse, je sais, vous êtes branchés sur le végétariat. Non, vous êtes des... comment on les appelle, les gens qui sont branchés sur le végétariat? Oui, mais il y a un terme, là. Moi, je dis les... comment on les appelle, non? Jean-Charles, comment on les appelle? On les appelle pas, ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Il paraît qu'ils viennent... Oui, les... Enfin, les branchés sur la réalité pop star, là, puis les méga vedettes, là, mais t'es pas une méga, c'est pas important qui est quoi et qui est quoi. À un moment donné cette semaine, faut que je vous raconte. Madame X, mademoiselle, pas madame, mademoiselle X oublie ses clés dans son domicile. Veut être la gentille, puis elle a fréquenté un ami, son amoureux était un violent, puis bon, elle a décidé de s'en répartir. Et elle a bien fait quand même. Et puis donc elle veut lui ramener des lettres qui traînent chez elle depuis un an, parce que la liaison s'est terminée il y a 13 mois. Et donc, elle veut faire sa BA. Elle se rend chez son ex et lui donne ses trucs. Revient, ça, la lumière rouge se fait frapper par une inconsciente collective. Et puis donc, arrive à mon lieu de travail pour me demander un crayon, histoire de prendre les coordonnées de cette inconsciente collective-là. Et puis, elle me dit, Rendal. Je dis, oh, mon ami Facebook. Puis là, on voyait qu'elle était pas vraiment ami Facebook avec moi, là. Fait que là, j'ai dit, je donne le papier, je donne le crayon. Là, elle prend les coordonnées de la demoiselle. Puis là, elle dit, en plus, mon Rendal, j'ai oublié les clés chez moi. Les clés du bonheur, ici. Rendal, c'est pas le temps de rire, là, parce que c'est mes clés, là, d'appartement. Oh! Puis j'ai pas tes clés d'appartement, moi, Cindy. Ben, je le sais, t'as pas mis. C'est pas la voix de Cindy, ça. elle a la voix. J'ai oublié mes clés à la main. On dit un peu comme ça, là, pardon. Et puis là, je dis, écoute, douce égérie d'une société en colère, je vais te prêter l'annuaire. Alors, feuillette, tandis que je cueillette l'argent de mon entreprise, parce que moi, j'ai une caisse à fournir, là, hein. Elle demande beaucoup d'argent. La caisse dit, ah ouais, rends de l'argent. Alors, plus je rends d'argent, plus la caisse est heureuse, plus la caisse peut aller faire des voyages au soleil. Pour histoire de se valoriser le cancer de la peau, puis à un moment donné s'éteindre très jeune, tant mieux. Elle va faire fructifier son argent à ses enfants. Puis bon, ça c'est une autre histoire. Alors donc j'y donne l'annuaire. Puis là, elle avait un gaminet très relâché sur son corps. Donc elle s'est penchée. Plus elle s'est penchée, plus je voyais, comme disait Alain Bachon, les grands espaces. Et là j'étais comme j'avais le démon du rénal là, qui était monté en haut, là, t'sais, comme un démon. Là. J'avais les cantes qui étaient là, les dents, la salive. Là. Veux-tu un bon café? Là, elle a dit oui. Fait que là, j'ai offert un café sur mon bras, gratuitement, gracieusement par Rénal Gagné. Il a payé le café. Il s'est dit, ah ouais, donc. Pour avoir vu un spectacle aussi éblouissant et fabuleux, donc. Puis, à un moment donné, elle s'est adonnée à trouver l'adresse d'un individu, un esservelé, qui lui a ouvert la porte pour 80$. Je suis sûr qu'il y a une grande histoire qui s'est passée par la suite parce que ma Cindy avait l'air très... À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Et c'est quand elle va écouter cette version-là, elle ne viendra plus me voir. Ah, ça va voir en moi le monstre. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. J'en suis un monstre. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, mais très, très, très camouflée dans mon petit bedon. Un gros ventre, petit bedon. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinéraire engagé, Rénal Gagné. Aujourd'hui, l'avant-dernière émission que nous consacrerons en ce 27 mai à monsieur Jean-Claude Dreyfus. Vous le connaissez. Je vous en ai parlé depuis des semaines et des semaines. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée et en avant la zizek. Et si vous ne savez pas, là, j'ai aucun atelier d'improvisation que j'ai entamé, là, hein. Puis ça fait déjà, combien de temps? 37 minutes que l'émission, ça butine de mots en mots, de fleurs en fleurs, de musiques en musique, de musique en musique. Caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Des ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser. Je passe sous silence mes avatars. Passe sur tes frasques. M'obnubilé, pourquoi? Pour un vasistas. Loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Mes élans me courent et m'entraînent vers d'autres riveraines. Loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et tes visites s'espacent. Des ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser. Passe de ça sans ça. Et mes visites s'espacent. Des ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte. Un baiser,

Très peu de personnes ont entendu ça, là, sublirénal, là. J'appelle le téléphone, c'est vrai, hein. Ils se prennent à l'émission comme des ventouses aux récepteurs anonymes. Oh mon Dieu, c'est beau, hein. C'est bien dit. Bon, je comprends pas, mais les ventouses. Ben oui, mais les ventouses. C'est pas une ventouse, ça. C'est une suctionneuse. Non, c'est pas, non. Non. C'est pas une suctionneuse. OK. Alors donc, j'appelle. Alors, tu le balances ton gag, mec. Ouais, ben alors, le gag se dit après le texte. Hein. Alors, le texte n'est pas encore débité. Alors, débit. Arrête d'en voir, toi, là. Hein. J'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Hein, monsieur, il y en a des quoi? Des improvisations? Oui, il y en a, monsieur. Pour ce numéro, appelez-le pas. C'est pas maintenant le temps. Utilisons la source de communication inventée par monsieur Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons. Ah, bon, ça fait peur, hein? On sait plus. Oh, on le sait maintenant, on va appeler l'incertitude. Oh, l'incertitude. Est-ce que nous allons l'avoir au bout du fil? Ben, là, signale le numéro de téléphone. Gertrude, oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'écho? Oui. On a des échos? L'écho. Oui, mais avant l'écho, les communications. Oui, on a les communications. Allô, l'écho, l'incertitude, on l'entend. Arrête-moi ça, toi. Aïe, donc. Le mal de tête, oh, l'incertitude, oh, oui, est-ce qu'on peut l'appeler? L'incertitude, une fois, on se plaît, l'incertitude, lâche-moi ça, là, qu'est-ce qui se passe? L'incertitude. On va l'appeler, l'incertitude. C'est quoi, là? Ça, c'est la ligne de l'incertitude. Ah, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Celle-là. Oh, j'aime bien, elle est connue, celle-là, là. OK, une autre plus, voilà, celle-là. Oh, mais ça, c'est un fond de chaudron, là. OK, mais on aime aussi les fonds de chaudron, mais peut-être la réverbération. OK. L'incertitude. Maintenant, s'il vous plaît, signalez. On signale. Mais là, attends un petit peu, là, avant de mettre ça, là. On voudrait bien savoir le numéro de l'incertitude. Oh, c'est vrai, mais... Alors, tu balances ton gag, mec. Mais là, il n'y a pas de gag, là. On n'a pas de numéro, l'incertitude. C'est très incertain, mais composez le 4350... Excusez-moi. On va enlever la housse. 43... Excusez-nous, là, on vous cache le... On ne doit pas le dire en ondes, mais là, comme Germaine a de la difficulté à entendre, vous savez, à son âge, là, elle a 352 ans. C'est impossible, là, t'es morte à 143. Oui, mais 53, vous êtes... OK, je suis en dehors de la masse. En dehors, oui, vous êtes en... Madame, vous êtes en dehors de la masse. Si on vous... Premièrement, là, si on vous place ici... À chaque fois, tu dis, quand t'es pas capable, premièrement, arrête de dire premièrement, je te supplie, mon petit Rénal devenu du Saint du Bon Esprit, à revenir, amen. OK, on arrête. Alors oui, vous avez entièrement raison, madame. À 143 ans, vous êtes extraordinaire. On vous embrasse, on vous aime. On vous garde. Ouais, mais je vivrai pas longtemps, moi, là. Ouais, ne dites pas ça. Si dans votre tête, là, vous avez 15 ans, là, vous allez vivre encore 80 ans. Hé, c'est pas fou, ça. Non, c'est pas fou, ça. Allez, l'incertitude, on peut-tu appeler l'incertitude, madame? On va l'appeler. On a le numéro. On est en communication. OK, rentrons. Pour les gens qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire entrer, là, c'est comme les voyantes, là, les quoi, les cartagrapholes, non, les cartopholes, les gens qui voient à travers les cartes, là, oh mon Dieu, c'est un 3 de pique. Mon Dieu, vous êtes piqué par l'insouciance de l'instant. Vous allez dépenser beaucoup de sous à savoir votre existence, et je vous le dis maintenant. Vous êtes un moins que rien, vous allez crever très bientôt. Mais ne vous en faites pas, si vous me donnez votre adage, je serai votre plumage. Si l'autre est un Félix, je serai votre vigneau. Oh, c'est beau, ça. On peut-tu prendre ça en note, si vous êtes Félix? Tu balances ton gag, mec. Ben, c'était le gag, ça, là. C'était un bon gag, là, un très bon gag qu'on peut plus se souvenir parce que l'autre prend pas des notes. Elle a le crayon à terre. Elle a la mine basse. Elle a l'obturation coupée. Elle n'a plus d'encre à son crayon. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on peut l'appeler l'incertitude? On va le signaler. Signale-moi ça, madame. Oui, signalez-moi ça. Ça va prendre quelques secondes. On va mettre un silence. Pas un silence? Ah oui, on a quelque chose pour le silence ici. On adore ça, là. C'est... ça a fait le début, ça a fait le milieu, puis ça va faire peut-être la fin, là. Alors, la musique qui nous amène l'incertitude. Hey, ça, genre, en plus, c'est gagnant. C'est très gagnant. Alors, on signale pour l'incertitude, s'il vous plaît. Pas de numéro. Hey, Germaine, pas de numéro. Hey, voyons donc, c'est 43, 27, 50. Non, c'est le 12, 53. Il n'y en a pas de gag. 43, 54, 18, 23. Est-ce que c'est ainsi que les intrigues s'enivrent? Je le sens peut-être. L'émission n'est que moins que rien. 43, l'incertitude, nous voilà. Germaine, Louise, Lucie, Cindy. Pas la peur. Je l'ai loupé, la peur. Appelle l'incertitude. Oui, mais c'est Cindy qu'il faut appeler. Non, c'est... Non, ben, Cindy, l'incertitude, ça dit non. L'incertitude tout court. L'incertitude tout court, tout court, tout court. Tout court, tout court. Tout court, pas court, pas court, tout court. Le corps, le corps, c'est court. Pas court, pas court, pas court. Tout court, t'écouille. OK. L'incertitude, on l'appelle. On l'a, on a la ligne. Allô? Allô? Allô? L'incertitude. Sérénale. Hey, bienvenue à Errance Rénaldienne. Nous sommes extrêmement heureux. Excusez-moi, là, il y a beaucoup d'écho. On va. Est-ce qu'on peut enlever quelques. Oui, comme ça. Ah, c'est merveilleux. Là, les gens vont suivre, là, puis ils seront moins captivés par l'écho. Parce que là, l'incertitude est en haut et l'inquiétude est en bas. Tous les humains sont incertains, ils veulent savoir beaucoup plus de choses que tu nous en dévoiles actuellement. L'incertitude, est-ce que ça ira mieux pour nous? Oui? OK. Ben, écoute. Ben, là, je peux pas traduire, je peux... Ouais, je me sens mal là. OK. Mm-hmm. Ben, c'est comme la vie, hein? C'est... OK. Mais à travers tout ça, là, admettons, on va trouver quelque chose. Ouais, là, tu as été. Ouais. Non, qui était réaliste. L'incertitude est-elle réaliste? OK. Hein? Réaliste, oui. Très réaliste. On va crever, c'est la fin. OK. On est ici pour très peu de temps, oui. OK, il faut en profiter, merci. J'arrive juste pour faire... Annie, c'est dans le temps. Le jour de là, on se donne la main, on s'embrasse, c'est dans le temps d'en profiter. Mais l'incertitude! Même si on est ici pour très peu de temps, là, c'est court, là. Si on accumule toute la vie terrestre, là, l'être humain, c'est rien. C'est un... Ouais, c'est un moins que rien, ouais. C'est une... Oh, mon Dieu, c'est un petit... Oh, c'est... Oh, oui, mon Dieu, c'est... Oh, ouais, mais... Hey, est-ce qu'il y a des moyens, OK, de se souvenir qu'un jour, CKRL est né? Est-ce que... Je sais pas... Un néon interstellaire. Stellaire. Ben, ça a l'air que c'est stellaire, là, parce qu'on va la monter, l'affiche, pour que dans l'univers, on voit CKRL. On a des ballons qui sont pas très dirigeables parce qu'ils appartiennent à l'errance rénaldienne, mais qui pourraient monter l'affiche de CKRL dans le ciel, puis qu'on puisse la voir jusqu'à la fin de nos jours. Puis même après, même si le Big Bang, la fin du monde, à un moment donné, il va rester juste une affaire dans le ciel, là, la stratosphère, dans la planète, dans le blanc total, dans le noir, dans le souffle noir. Mais dans rien, là, s'il reste CKRL allumé avec mes ballons, dans rien, c'est bon. CKRL dans rien, c'est déjà beaucoup, là. Surtout à la fin du monde, les gens vont dire, hey, CKRL. CKRL. Puis là, les gens vont revenir à la vie, là. Tout le monde va crever, mais ils vont avoir un début de vie, puis ils vont évoluer comme nous autres, puis ils vont faire de la radio, puis là, ils vont dire, hey, un jour, là, on a vu quelque chose, là, CKRL. Regarde, là, c'est encore là dans le ciel, c'est écrit CKRL. C'est quoi CKRL? Puis là, ils vont dire, hey, c'est une radio communautaire, la plus vieille radio francophone au monde. Madame Rêve, t'atomiseur. Deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls. Mais là, c'est très seul, mon vieux M, mais là, c'est pas le temps! de te laisser chanter parce que dans tout cet enivrement sonore, l'incertitude s'est glissée puisque ça devait pas être toi. On t'aime beaucoup, Mathieu Chédid. On t'aime, on t'embrasse. T'es le meilleur. Oui, oui, oui, oui. Mais CKRL, c'est plus grand que ça, là. Ben, pas plus grand que Mathieu Chédid, là, mais... Ben, quoique, si on mesure tout à tout, là, CKRL, c'est quelque chose à part. C'est, on est des êtres presque surnaturels. Ah, ça, j'aime ça, surnaturel. Ça fait très irréel. Et dans irréel, il y a réel, et réel, réel, rénal, rénal, réel, réel, réel, réel, rénal, rénal, réel, hein? Réel, rénal, rénal, réel. Oh, il y a Louis Riel, puis il y a rénal, réel. Il y a l'irréel, rénal, irréel, irrénal, mon Dieu. Spin me no yarn, please no more fairy tales. I was born in a barn, on a ship with no sails. I've traveled the seas, she took me for a ride. Mary made from Chelsea, that call herself a bride. I hope you're on my side. Uh-oh, strangers when we leave. Halloween comes early to trick or treat in Gringoland. But you don't look so happy. Yesterday's candle turned to sand. Why don't you take my hand? Uh-oh, strangers when we leave. I see a strange light in the air. Is it a bonfire from the fair? Is it the sign that kind of warning? Fairy tales. I was born in a barn, on a ship with no sails. Uh-oh, strangers when we leave. Uh-oh, strangers when we leave. Uh-oh, strangers when we leave. On a pas parlé. Chose, c'est que je collectionne des cochons. J'ai une énorme collection de cochons. Ok, literally. Ça veut dire de, sous toute forme, en peinture, en objet, sous toute forme. Pourquoi les cochons? Justement parce que on a commencé à m'offrir des cochons il y a des années, parce que j'avais un caractère de cochon. Oh, ok. Voilà. Et on dit que tout est bon dans le cochon. Donc. Tout est bon dans le cochon, et de plus en plus, parce que j'ai dans ma collection une thèse sur la xénogreffe, et que la greffe de certains organes et surtout la peau du cochon, ce sont des greffes où il y a le moins de rejet près de l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement, tout est bon dans le cochon et même son caractère, finalement. Oui, effectivement, mais je ne sais pas pourquoi on dit que le cochon... Si, parce que les verras sont très... surtout les mâles sont très... Oui, oui, puis très, très, très macho, hein, on va dire. True! Madame rêve d'artifice, de forme oblongue et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, de vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui le pingle au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin. Écoutez, j'ai plein de projets. J'avais même le projet de tourner cet été deux films qui malheureusement ne se font pas. Au dernier moment, manque de budget. Alors ils seront peut-être plus tard, c'est toujours des projets. Et j'ai plein d'autres projets de scénarios qui me sont tombés dessus. Maintenant, ils arrivent à se monter. Quoi. Mais lorsqu'on vous présente un scénario, le film est nécessairement presque dans non. la poche. Non, aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Ça, c'est arrivé, hein, quand j'ai fait le film de Romère, il y avait la production, on était sûr qu'il allait se faire. Quand j'ai fait le film de Jean-Jacques Haneau, les deux frères, on était sûr qu'il y avait une production derrière. Mais il y a beaucoup de... ou un jeune cinéma, ou un cinéma moins jeune, où ils ont beaucoup de mal à monter leurs affaires. Alors donc on vous présente Souvent, un scénario. Souvent, on nous présente un scénario, et si le scénario me plaît, eh ben, je fais comme tout le monde, je fais ma petite lettre, on dit pour aider peut-être la production. Mais c'est ça, pour eux, c'est bien d'avoir déjà des gens génériques, alors ça peut inciter d'autres personnes à donner. C'est ce qu'on dit. Mais par exemple, les deux films que je devais faire, là, Il y avait d'autres acteurs ou actrices qui étaient un petit peu dans le mood de l'époque, et puis les films se sont pas faits quand même. Hein. Mais ça... ils sont reculés, soi-disant. Quoi. Mais, vous savez... mais vous savez, soi-disant. Soi-disant, okay. Mais vous savez, par exemple, je vais vous raconter quand même l'anecdote. De Delicatessen, qui a 20 ans. C'était une époque peut-être plus propice, mais Genet et Caro, qui sont des réalisateurs vraiment formidables, quand je les ai rencontrés, ça faisait déjà 3 ans qu'ils traînaient leur film avec Claudie Ossard, qui en est la productrice, qui est une amoureuse du cinéma, une femme extraordinaire, qui a fait Marquis, qui a fait le 37 de le matin, plein de films de qualité.